Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous rentrons, comme disait le regretté Christo, enfin dans la période dure. Je veux dire que la marche de l'histoire reprend son parcours en direct. Alors pendant la crise que nous traversons, nous avons ressenti le côté tragique de l'histoire. On va donc peut-être être davantage sensible aux échos de la période que nous allons analyser jour après jour jusqu'à la fin de la grille. Je veux parler du mois de juin 1940, je ne veux pas dire que nous sommes en guerre aujourd'hui, mais évoquer ce mois-là, c'est faire autre chose qu'œuvre commémorative. La tragédie de juin 1940, où en est-on le 1er juin ? We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. À période extraordinaire, méthode pas encore tout à fait ordinaire, l'invité de la marche de l'histoire est à Metz. On va l'entendre par téléphone. Max Chiavon, bonjour. Bonjour. Alors Max Chiavon, vous êtes un historien militaire, vous avez consacré nombre de livres à des généraux dont on va rencontrer le nom à plus d'une reprise pendant tout ce mois de juin, Weygand, Korap, le général Hunsinger aussi, signataire de l'armistice. Juste pour situer l'endroit où vous êtes, Metz n'a été évacué au tout début de la guerre en septembre 39 que très précautionneusement, à la différence de Strasbourg, qui, lui, voyait sa population éloignée de la zone frontière. Oui, Metz est à environ 50 kilomètres de la frontière luxembourgeoise et allemande, tandis que Strasbourg, de l'autre côté du pont de Kehl, est à 1 kilomètre ou 500 mètres. Donc on avait très peur que les bombardements touchent Strasbourg. Alors la guerre commence, on va faire un récapitulatif avant de répondre à la question où en est-on le 1er juin. La guerre commence au mois de septembre 1939. La défense passive est organisée depuis longtemps. Chacun a son masque à gaz. On n'a pas manqué de masque à gaz. Les dessins humoristiques pendant l'été disaient « Où est-ce que t'as mis le carnet de mobilisation ?» Et on voyait une famille sur la plage qui cherchait, qui finissait par le trouver. Ben oui, il est là, à côté du masque à gaz. Et puis, le 2 septembre, dans les journaux, à la radio, on n'entend plus qu'un seul mot, le mot « guerre », comme si tous les autres avaient perdu leur utilité. Et pendant plusieurs mois, pendant 7 mois, la drôle de guerre, où il va faire très très froid d'ailleurs pendant l'hiver 39-40, juste une indication sur le temps, parce que le drame que nous allons raconter, Max Chiavon, se déroule dans un ciel d'azur. Il faisait beau en mai et au début de juin 1940, à tel point qu'on croyait que c'était presque l'été. Et les gens disaient, l'écrivain Georges Hiverneau à sa femme, on s'en sortira, va de tout ça, parce que les myosotis qui sont là ne nous trompent pas. Max Chiavon. Oui, il faisait très très beau, après un hiver très froid qui a contribué à ralentir notamment les travaux sur la ligne Maginot, à affaiblir le moral, parce que le commandement français n'a pas été assez exigeant dans l'entraînement, et donc l'oisiveté a gagné les troupes et a entraîné une forte chute du moral qui est attestée notamment par le contrôle postal. Mais comme le disait Mendès France, on a quand même planté des rosiers le long de la ligne Maginot. Et puis un chant de l'époque, Ray Ventura et son orchestre, évoquent la ligne symétrique qui a été construite beaucoup plus rapidement d'ailleurs par les Allemands et qui s'appelle la ligne Siegfried. Petite amie chantait ses terres pleines en train, en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent leur refrain, et bientôt tout le régiment entonna viendra gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. En famille, on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried si on la trouve encore là. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Max Schiavon, pendant de longs mois, le commandement français a choisi une stratégie d'attente, d'usure. Alors c'est pour des raisons psychologiques, c'est pour des raisons politiques, c'est aussi pour des raisons économiques, parce que on se disait, on est à l'abri pendant un moment, on va pouvoir constituer ses forces industrielles. Oui, les dirigeants politiques comme les généraux sont d'accord. Depuis le début des années 30, la France ne peut faire face à l'Allemagne qu'avec des alliés. Pour donner quelques chiffres, même s'il ne faut pas sonner les auditeurs, lorsque la France produit 5 millions de tonnes d'acier, l'Allemagne en produit 16 millions. Lorsque nous produisons 40 000 tonnes d'aluminium, les Allemands en produisent 150 millions de tonnes. Donc, militairement, industriellement, économiquement, la France doit avoir des alliés. Et pour avoir des alliés, il faut du temps. Il faut du temps, notamment parce que le principal allié potentiel de la France, c'est la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, rappelons-le, n'a quasiment pas d'armée. Elle a une navy, mais l'armée de terre n'existe pas. Le service militaire n'est rétabli en Grande-Bretagne qu'en avril 1939. Donc il lui faudra du temps et tous les chiffres de l'époque, les chiffres de production, les chiffres qu'ont les états-majors, montrent que les alliés, France, Grande-Bretagne, dans une moindre mesure Belgique, Hollande, voire d'autres, ne seront prêts qu'en 1941. Donc il faut espérer que l'ennemi, et c'est là qu'il y a quand même une certaine indigence de la stratégie, il faut espérer que l'ennemi voudra bien attendre un an de plus pour nous attaquer. Alors, quand même, il y a un grand effort de l'industrie d'armement, disons à partir de 1937, avec Daladier, qui est au pouvoir longuement, dès 1938, sans être gêné beaucoup par le jeu parlementaire, avec un ministre de l'armement assez extraordinaire, qui est un ingénieur, qui se comparait à Colbert, à Lazare Carnot, qui portait comme gousset de montre un jeton de présence de Danton au club des Cordeliers. Il s'appelait Raoul Dautry. Et Raoul Dautry, il a quand même dégagé l'industrie d'armement des routines bureaucratiques, de l'apathie des industriels, de la boulie de l'état-major. Alors, vous avez raison, Raoul Dautry est un homme extrêmement brillant, c'est un polytechnicien qui a fait quasiment toute sa carrière dans les chemins de fer. Le problème, c'est qu'il n'est nommé ministre de l'armement que le 20 septembre 1939. Parce que Daladier, qui a quand même commis beaucoup d'erreurs et de fautes, ne voulait pas, par crainte de lobbying des industries de l'armement et pour d'autres raisons, il n'a jamais voulu nommer un ministre de l'armement en temps de paix, alors que les généraux le lui réclamaient depuis 2 ou 3 ans. Mais il reste qu'il va faire un effort considérable qui va permettre de rattraper une grande partie du temps prévu et de produire massivement seulement à partir du printemps 40, trop tard. Mais Daladier, président du Conseil, se méfiait des industriels qui auraient pu faire des profits personnels à cause de l'effort pour l'industrie d'armement. Je ne sais pas, Bloch, oui. Le patron de De Wattine, c'est des patrons de l'aéronautique. Bloch, c'est Dassault. Ils avaient des industries nationalisées, mais ils avaient aussi intérêt personnel aux commandes. Oui. Oui, si pour revenir sur cet aspect du réarmement qui est très important, il faut d'abord dire que les dirigeants politiques n'ont pas souscrit, n'ont pas admis les avertissements qui venaient des militaires, car moi j'ai lu les rapports dans les archives, les chefs de l'armée avertissent le gouvernement français avant même qu'Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. C'est-à-dire que les généraux allemands font tester des prototypes en Union soviétique, voire dans d'autres pays. Ils agissent secrètement depuis 30-31. Donc les dirigeants français n'en prennent conscience réellement qu'en 34-35. Il y a des jeux parlementaires qui font qu'à la Chambre, on ne veut pas voter les crédits. Il faut rappeler par exemple qu'en mars 35, donc là on a déjà de fortes actions des nazis, 97 députés dont Blum, Marius Moutet, Marc Zormoy, votent une motion, la Chambre refuse d'aggraver les charges militaires du pays. Donc jusqu'en 35, les budgets sont indigents et pratiquement l'investissement est concentré sur la ligne Maginot et sur la marine. Mais ensuite, Max Schiavon, on réorganise l'économie autour de l'industrie d'armement, et il faut quand même dire que les ouvriers, ils ont payé leur écho. À partir de 1938, ils cessent de protester et ils travaillent énormément, notamment pendant le printemps 1940. Alors le printemps 1940, si on évoque l'œuvre de Julien Gracq, nous sommes dans les Ardennes, un balcon en forêt. L'aspirant Grange, il garde la maison forte des Hautes Falises, une vaste Ardenne pleine de pressentiments où les raisons de faire la guerre perdent leurs dents. Et puis, le 10 mai au matin, un immense bourdonnement monte quand on ouvre les fenêtres. Cet immense bourdonnement ne paraît pas venir de la terre parce qu'il occupe aussi toute la voûte du ciel. Portes et fenêtres ouvertes, la journée ne se remettra pas sur ses gonds, c'est l'offensive allemande. Max Schiavon. Oui, le livre de Julien Gracq relate bien ce qui étaient les postes extrêmement avancés de la ligne Maginot, du front français, puisque elles existent encore, on peut en voir dans les Ardennes. Ces maisons fortes sont des maisons de style villa isolée dans lesquelles le rez-de-chaussée était en fait un bunker camouflé et dans lequel se trouvaient une dizaine d'hommes, une dizaine de soldats français avec un canon de 25 anti-chars, un fusil mitrailleur et quelques fusils. Ils étaient simplement sur un itinéraire bien délimité, chargé de ralentir une première fois l'avance ennemie avant qu'elle ne prenne contact avec la ligne de résistance située un petit peu plus en arrière. Et c'était des postes sacrifiés. D'ailleurs, il existe à côté de Sedan une maison forte dans laquelle l'ensemble des occupants ont péri au combat. Le nom de Sedan retentit une fois de plus comme un nom de défaite à ce moment-là. Oui, Sedan, c'est une terre de malheur pour l'armée française. En 1870, c'est là que Napoléon III s'est rendu à l'empereur d'Allemagne. Et c'est là que finalement le Second Empire a chuté au château de Bellevue. Ensuite, on a davantage oublié en 1914 une des offensives de Joffre dans ce qu'on appelle la bataille aux frontières se déroule dans les Ardennes. Et nous avons les fameux combats de Rossignol dans lequel une division coloniale a failli être anéantie. Donc, l'affaire, si j'ose dire, le lieu redevient un lieu de bataille éminent en 40, hein, puisque c'est là que le corps blindé Guderian avec trois panzerdivisions perce face à une médiocre division la deuxième armée française. Mais dites-moi, on a aussi exagéré peut-être le succès de Guderian, des rumeurs ont eu lieu qui ont laissé abattu le numéro 2 du haut commandement, le général Georges, qu'on a vu sangloter une fois annoncé la faiblesse de cette division que vous évoquez, sidération, surprise, manque d'informations aussi, parce que la situation n'a pas été tout de suite catastrophique. Non, alors, beaucoup plus que le général Georges, il faut bien se mettre dans, s'imaginer cet état d'esprit de nos généraux qui sont arc-boutés sur les enseignements de 1918, c'est-à-dire, pour résumer, on ne peut vraiment combattre que sur une ligne de défense extrêmement préparée, avec beaucoup d'artillerie à l'arrière. La guerre est industrielle, donc pour conquérir, il faut tirer un certain nombre d'obus, beaucoup d'abacs, de calculs. Et en fait, la percée allemande annihile, détruit toutes les représentations mentales, toutes leurs certitudes. Toute leur certitude de ces généraux est détruite en quelques heures. Et ils sont quand même assez intelligents pour voir qu'il n'y a plus de parade. Il n'y a pas de parade possible. Donc, après quelques jours de combat, après le 15 mai, ils savent, dans leur fort intérieur, que la guerre est perdue. Ce sont les feux du ciel qui ont impressionné les soldats. L'association avec les blindés de l'aviation, je vous cite Marc Bloch, L'étrange défaite, un livre sur lequel nous aurons à revenir, qui, l'ayant une fois entendu, oubliera jamais le sifflement des avions piquant vers le sol qu'ils s'apprêtaient à couvrir de bombes. Le long cri strident n'effrayait pas seulement par son association avec des images de mort et de ruines en lui-même. Par ses qualités, si j'ose dire proprement acoustiques, il crispait l'être tout entier et le prêtait à la panique. Alors pourquoi le ciel appartient-il à ce point, à ce moment, nous sommes mi-mai, aux Allemands ? L'initiative, l'audace, ces qualités à la française et toujours intactes que nos troupes de toutes armes ont révélées dans la bataille, trouvent avec l'aviation de chasse leur plus saisissante démonstration. Nos chasseurs ont réalisé des prouesses qui surclassent celles de leurs magnifiques aînés de la guerre de 1914. Certaines escadrilles ont à leur actif des exploits qui auraient paru il y a seulement un mois impossibles à réaliser. Pilotés avec un éblouissant et inlassable courage, dotés de qualités de vol remarquables, armés d'un puissant canon, les appareils de chasse français font chèrement payer à l'aviation ennemie toutes ses entreprises et s'imposent à elle. À elle seule, 4 de nos escadrilles de chasse comprenant 36 appareils ont abattu 124 avions allemands en quelques jours grâce à leurs as, dont l'un d'eux, pour son compte, en 12 jours, détruisit 14 appareils ennemis. Le brio, le magnifique et victorieux effort accompli par nos chasseurs depuis le 10 mai ont magistralement mérité ce que le général Vuillemin savait pouvoir demander à l'armée de l'air en s'adressant à elle par son ordre du jour du 27 mai. Depuis 15 jours de bataille, vous vous êtes dépensé sans compter, jour et nuit, faisant front victorieusement à un ennemi supérieur en nombre. Je savais que je pouvais compter sur vous. Aujourd'hui, l'heure est décisive. Notre ciel doit rester français. Cloches sonnèrent, ils sont tous levés, des marches de Lorraine jusqu'au pays gascon, par les monts et les plaines, les bois et les vallons. Quand les cloches sonnèrent, vive la liberté! Quand les cloches sonnèrent, on entendit chanter. Ah, que le ciel de la France est joli, que sentent bon les pois dans la campagne et la lavande au flanc de la montagne. Oh, qu'il est doux le soleil du midi, mais bien plus doux que le ciel de Paris, mais bien plus frais que le vent de Bretagne et plus grisant que le vin de Champagne. Et le goût de l'amour qui m'attend au pays, tout en pleurant dans le lit. Quand les canons tonnèrent... Elles sont futiles, les missions exigées de nous. Chaque jour plus futile, plus sanglante et plus futile. Ceux qui donnent des ordres n'ont d'autres ressources pour s'opposer à un glissement de montagne que de jeter leurs derniers atouts sur la table. Duterte et moi, nous sommes des atouts. Et nous écoutons le commandant. Il nous développe le programme de l'après-midi. Il nous envoie survoler à 700 mètres d'altitude les parcs à tanks de la région d'Arras au retour d'un long parcours de 10 000 mètres. Et de la voix qu'il prendrait pour nous dire « Vous me suivrez alors la seconde rue à droite, jusqu'au coin de la première place. Là, il y a un bureau de tabac. Vous m'achèterez des allumettes. » Bien, mon commandant. Ni plus, ni moins utile, la mission. Ni plus ni moins lyrique, le langage qui la signifie. Mais je me dis, mission sacrifiée. On a entendu Germaine Sablon dans une chanson de Joseph Kessel, c'est déjà l'association du chant des partisans, mais en 1940. Et puis, celui qui dit la vérité sur le ciel de France, qui est occupé par les Allemands, c'est Saint-Exupéry. C'était un extrait de... Pilote de guerre. Dans Pilote de guerre, Saint-Ex dit que les avions dont on dispose, du moins jusqu'au premier mois de 1940, le Morane 406 par exemple, ils volent en arrière, ils volent trop bas, l'hélice est souvent en panne, l'eau gèle dans le système à air comprimé, et quand ça dégivre, dans un ordre non prévu, les armes peuvent fonctionner toutes seules sans intervention du pilote qui devient une cible vivante. Max Chiavon. Oui, on a l'aviation cumule les problèmes. C'est une armée récente, puisque créée en 1933 seulement, dans laquelle il y a eu énormément de conflits, y compris au niveau politique. Des gens comme Pierre Cotte, Guy Lachambre prennent des options différentes. Les chefs militaires ne sont pas d'accord sur la doctrine. Le chef de l'armée de l'air, qui est le général Villemain, il faut le dire parce que c'est la vérité, ce n'est pas une lumière. Tous ses collaborateurs sont d'accord et ils se disputent seulement pour savoir quel grade ils n'auraient pas dû franchir. C'est dire. Alors nous avons des problèmes doctrinaux, c'est-à-dire que, pour que nos auditeurs comprennent, certains sont partisans de la chasse, de l'aviation de chasse, beaucoup d'autres, adeptes de la théorie de Douai, du fameux général italien Giulio Douai, ne prêchent que par le bombardement stratégique dans la profondeur, et finalement toutes ces décisions contradictoires ont abouti à une aviation en partie périmée, c'est ce que dit Saint-Ex, en bonne partie périmée, hein, face à une Luftwaffe extrêmement moderne. Pour donner un chiffre, le 10 mai 40, la France dispose de 1400 avions, dont, pour ne donner là aussi qu'un chiffre, 500 de reconnaissance totalement périmée, alors que la Luftwaffe en a 2900. Même si on ajoute la Royal Air Force, l'Allemagne a une nette supériorité aérienne. Mais là encore, la supériorité aérienne peut être surestimée des Allemands. Elle est en cours de rattrapage. Les avions extraordinaires commencent à arriver. Fin 39, les Dewatin 520, on a mis au point des ateliers jusque dans des grottes préhistoriques pour sortir à un rythme accéléré ces avions. L'un d'entre eux fait l'objet d'une restauration qui doit être achevée ce printemps à Rochefort, en parallèle à la restauration de l'Hermione, le grand bateau emblème. Et puis peut-être, comme disait Pierre Cotte, c'est l'utilisation que l'état-major a fait de ces appareils qui est à mettre en cause. On n'a pas parlé de la hiérarchie du commandement. J'ai cité le nom du général Georges. Et les supérieurs, c'était Gamelin. Alors, Gamelin, si ça marchait, il disait c'est ma responsabilité. Si ça marchait pas, il disait c'est la faute de Georges. Et puis la hiérarchie, elle vaut aussi avec le gouvernement. Maintenant, Daladier est remplacé par Paul Reynaud. Et Paul Reynaud se plaint de ne pas recevoir les informations qui devraient lui venir automatiquement. Max Chiavon. Oui, alors beaucoup de dirigeants se sont rendus compte que Gamelin n'était pas un chef de guerre. Daladier, qui le soutiendra inconditionnellement, a coutume de dire à son entourage « Végan, c'est un mur », donc Végan qui était le prédécesseur de Gamelin et qui sera son successeur, donc Végan, c'est un mur, Gamelin, un édredon. Donc quand Reynaud parvient au pouvoir en mars 40, obligé de conserver Daladier au ministère de la guerre pour avoir une majorité parlementaire, donc Reynaud se rend immédiatement compte que Gamelin ne convient pas. Il essaye une première fois de le limoger le 9 avril, il n'y arrive pas parce qu'il n'obtient pas l'aval du Conseil des ministres. Il essaye une deuxième fois, il est prêt d'y parvenir, mais Reynaud est touché par une grippe qui le cloue au lit une semaine. Malheureusement, il y a parfois dans les événements historiques des malchances. Et enfin, le 9 mai, il y a une réunion du Conseil des ministres et avec le président de la République, Albert Lebrun, et là, Reynaud met ça en balance sa démission, Daladier refuse, et donc le 9 mai au soir, juste avant que le gouvernement, juste avant que les Allemands attaquent le lendemain, le gouvernement français est démissionnaire, et au passage, le gouvernement anglais aussi. Donc on voit dans quelles circonstances ça se produit. Et effectivement, dès que la bataille se déclenche le lendemain 10 mai, il y a un échange de courriers entre Gamelin et entre Reynaud, dont j'ai vu les originaux. Ils se souhaitent, j'allais dire, mutuellement bonne chance pour la France, mais Reynaud n'y croit pas. Et enfin, le 18 mai, trop tard sans doute, Gamelin, une défaite, ça s'appelle trop tard. Voilà. Gamelin est remplacé par Végan, son de l'époque. Depuis le 19 mai, le général Végan, hier encore commandant en chef en Méditerranée orientale, a été nommé par décret du président de la République, chef d'état-major de la défense nationale et commandant en chef de tous les théâtres d'opération, tandis que le maréchal Pétain, ambassadeur de France à Madrid, était devenu depuis le 18 mai vice-président du Conseil comme ministre d'État. Confiant en ses chefs, confiant en ses soldats, le pays n'a plus qu'un devoir, vaincre, qu'une seule pensée, vaincre. Alors, en un mot, maintenant, les Allemands poussent vers la Manche. Ils auraient pu se saisir de Paris peut-être dès la mi-mai. Le rapport de force est devenu très défavorable pour les forces alliées. Les troupes qui s'étaient lancées en Belgique sont obligées de se replier. Elles refluent vers Dunkerque. La possibilité sera-t-elle aménagée par les Anglais de leur permettre de réembarquer? D'un mot, l'énergie de Weygand permettait-elle une contre-attaque? L'énergie de Weygand est bien réelle et le moral qui était bas change. Lorsqu'on analyse par exemple les pertes, c'est terrible de parler dans ces chiffres, mais le nombre de morts, de combattants qui français, le nombre de morts augmente très sensiblement à partir de la prise de commandement de Weygand et notamment début juin lors de la bataille de la deuxième bataille de France. Donc il a réellement donné de la confiance, de l'énergie, de la confiance à ses grands subordonnés et s'est descendu dans la troupe, mais on ne peut pas remplacer les 35 divisions de valeurs qui sont encerclées dans Dunkerque, dont beaucoup d'hommes vont rembarquer, mais sans aucun matériel lourd. À Dunkerque, on va perdre tous nos chars, tous nos canons. On va laisser la situation à cet instant précis. On la reprendra avec vous au début de la semaine prochaine, Max Schiavon. Je vous propose d'écouter le discours qu'au moment du réembarquement de Dunkerque, le président du Conseil, Paul Reynaud, a prononcé. Nous sommes le 6 juin 1940. Depuis 15 jours, j'ai pris deux fois la parole. Chaque fois, c'est une mauvaise nouvelle que je vous ai annoncée. Le 21 mai, devant le Sénat, j'ai dit « Les Allemands sont à Amiens ». Le 28 mai, je vous ai dit « Le roi des Belges nous a trahis, la route de Dunkerque est ouverte ». Aujourd'hui, à une heure qui reste grave, je viens vous apporter des raisons d'espérer. Non des mots, mais des faits. La propagande allemande a annoncé que les armées alliées qui étaient allées combattre en Belgique étaient encerclées et seraient anéanties. Elles devaient être coupées de la mer, privées de munitions, privées de vivres. Le monde allait assister à une capitulation sans précédent dans l'histoire. Devant l'impossibilité de réparer cette perte massive de combattants, le moral des alliés se serait écroulé. Or, le cercle d'acier ne s'est pas refermé. 335 000 soldats alliés se sont embarqués à Dunkerque, apprenant à l'Allemagne ce que signifie la maîtrise de la mer. Loin de s'effondrer, le moral de nos troupes et le moral du pays s'est révélé égal à lui-même, digne de nos aïeux. L'héroïsme de la bataille des Flandres et des combats d'arrière-garde devant Dunkerque est désormais passé dans l'histoire. J'ai reçu ce matin l'amiral Abrial, défenseurs de Dunkerque. Devant de tels hommes qui ont forcé l'admiration du monde entier, la France se sent revivre en elle. Elle sent revivre éternellement jeune la gloire des généraux de la Révolution et des amiraux des rois de France. Après les surprises des premiers combats, le soldat de 1940 s'avère l'égal du soldat de 1914. Qui n'a jamais douté de la victoire, même quand les Allemands étaient à 100 lits. Alors les soldats courageux, dignes de ceux de 14, les ouvriers qui, dans l'industrie militaire, n'ont jamais travaillé autant, l'archevêque de Paris nouvellement nommé, qui reconsacre la France au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, en présence de beaucoup de membres du gouvernement. En ces tout premiers jours de juin 40, c'est un moment de sursaut, de rassemblement anxieux, mais dans l'espérance qu'on observe, Max Schiavon. Oui, oui, certainement. On essaye d'y croire, et en tout cas, tous se disent c'est notre dernière chance. Et Weygand a prévenu, il veut se battre, toutes forces réunies sur la Somme, sur les Lettes, ensuite prolongées par la ligne Maginot, et si il prévient, si jamais les Allemands passent, eh bien là, ça sera fini, et ça sera au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Alors ça, c'est la thèse de Weygand, vous l'étudiez dans votre livre récent sur le général en chef qui vient de paraître aux éditions Talendier. Je rappelle aussi que vous avez publié les carnets secrets du général Hunzinger qui signera l'armistice. C'est aux éditions Pierre de Caillac, et puis une biographie du général Corap, qu'on a traité un peu comme un bouc émissaire, c'est aux éditions Perrin. Alors c'était notre première marche de l'histoire consacrée aux événements, à la tragédie, au drame de juin 1940, préparée par toute l'équipe à distance, Ininka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, la programmation des chansons Martin Penel, la réalisation Juliette Gou, Hélène Kouyoumtin-Djian. Excusez-moi Hélène de si mal prononcer votre nom, mais l'habitude va être prise, était là, in vivo, et puis aussi Mathias Alléon.